tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet, réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a 2 documentaristes qui tentent une expérience et se demandent si la sexualité est aussi essentielle qu'on le dit. Et puis finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer les choses complètement autrement? Alors pour commencer, les personnages. 2 amis qui dialoguent, une femme qui se sent plus forte, une réalisatrice qui raconte, une autrice dystopique, une autre qui a peur de devenir misandre, une dessinatrice qui a suivi le mouvement et une activiste en festival. Ensuite, le décor. L'anarchisme, des questions anciennes, une libération, le politique, l'intime, une pression des normes, l'épilation, les ongles de pied, MeToo et le maquillage. Et bien sûr, comme on parle de sexualité, merci d'éloigner les oreilles les plus sensibles. Aujourd'hui, 4e épisode, on se pose des questions. Un corps de femme va subir, plus que le corps de l'homme, des tas de contacts physiques non désirés au cours de sa vie. Le corps féminin, dès l'adolescence, en fait, il va subir des touchés génitaux sans son consentement. Donc ça va être les violences obstétricales. Et puis, il y a tous les contacts non désirés d'ordre sexuel qu'on va subir. En fait, on est tellement touché sans notre consentement tout au long de notre vie qu'à un moment donné, eh ben, le toucher devient insupportable. On a besoin de toucher d'affection. Et en même temps, le toucher, bah, c'est quelque chose qu'on a tellement subi et accepté à notre corps défendant qu'à un moment, ça devient « trigger » en anglais. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Comme une gâchette, en fait. Une gâchette qui appuie sur une détente et c'est la détente du trauma, en fait. De plein de petits traumas répétés ou d'un grand trauma. Sortir de la sexualité, un acte politique. Un documentaire d'Ovidie et Tancrède Ramonet. Il y a une partie de moi qui trouve une forme de puissance en fait là-dedans. Et c'est ça qui est à creuser pour moi. C'est que je me sens plus forte de ne pas avoir besoin de ça. Pour l'instant, pour la période que je traverse. Je me sens moins, je me sens moins tributaire de quelque chose et de quelque chose dans le couple, dans le couple avec un homme. Ne plus avoir besoin de son désir pour exister, ne plus avoir besoin de cette sexualité pour avoir l'impression que notre couple va bien, ça me donne une liberté immense. Je me sens beaucoup plus libre. J'ai plus cette chape de plomb sur les épaules du quota de sexualité. Arrêter la sexualité, ça m'a obligée à me poser les bonnes questions, je crois. Ah bon, mais quelles questions ? Bah, la question de l'hétérosexualité, en fin de compte. Tu vois, ça faisait longtemps que je tournais autour, mais je me demande aujourd'hui si je peux encore être hétérosexuelle. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'as arrêté de désirer des hommes ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai encore envie de relationner et de coucher avec des hommes. Parce que envie, j'en ai toujours envie, finalement. Tu vois, ça peut m'arriver de désirer. C'est pas ça. C'est plutôt l'hétérosexualité, non pas en tant qu'orientation sexuelle, mais en tant que système. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tant que rapport de pouvoir, en tant que rapport de couple, en tant que codes sociaux qui constituent l'ensemble de notre société. Et j'ai l'impression que la question, elle se pose d'autant plus après MeToo. Après MeToo, on s'est toutes posé la question des rapports de domination dans le couple, des rapports de domination dans la sexualité, de la provenance de nos fantasmes. Est-ce qu'il est possible d'être féministe et hétérosexuel ? C'est une vieille question, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah, moi, en travaillant sur l'histoire de l'anarchisme, j'avais vu que déjà à la fin du 19e et au début du 20e, des militants et militantes anarchistes ou féministes ou anarcho-féministes s'étaient posé ces questions-là déjà. Paris, le 26 décembre 1910. Aujourd'hui, Madeleine Pelletier est venue siéger au parti habillée en homme. Ce n'est pas du tout du goût de Gustave Hervé qui lui en a fait la remarque. Son costume masculin et ses prises de position sur les questions sexuelles lui valent de nombreuses hostilités. Et pour elle, ce n'est ni un jeu, ni une provocation. C'est une revendication politique. Alors ça, c'est le célibat état supérieur. La femme affranchie n'a donc pas la haine de l'homme en tant que sexe. Elle ne déteste que la servitude et c'est pour y échapper qu'elle se refuse au mariage. Si je m'habille comme je le fais, c'est parce que c'est commode. Mais surtout, mon costume dit à l'homme « Je suis ton égal ». La jaquette tailleur, le col empesé et le canotier sont des signes de liberté dans un monde masculin. Florence Citoleu, réalisatrice du documentaire sur les traces de Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier, c'est la première femme qui a été autorisée à passer le concours de médecin psychiatre, le concours de l'internat des asiles de la Seine, comme on appelait ça à l'époque. Les femmes devaient avoir le droit de vote pour passer ce concours, et comme le droit de vote n'était pas encore acquis pour les femmes, il a fallu qu'elle fasse toute une campagne de presse pour obtenir une dérogation, et ensuite elle a ouvert la voie aux autres femmes qui, elles aussi, ont pu passer le concours. Avant cela, Madeleine Pelletier, c'est un personnage complètement hors norme. C'est une femme qui est née en 1874 et qui est morte en 1939. Issue d'un milieu extrêmement pauvre, sa mère était marchande de fruits et légumes, son père était un ancien cocher devenu invalide. Toute petite, à l'âge de 12 ans, alors qu'elle réussit très bien à l'école, elle décide d'arrêter. Contre l'avis des religieuses et l'avis de ses parents, elle se met à fréquenter les cercles féministes et les cercles anarchistes. Elle a 13 ans. Les cercles féministes lui ouvrent, elle dit elle-même, une voie lumineuse d'affranchissement qui est la possibilité de s'habiller en homme, puisqu'elle y rencontre une femme écrivain qui s'habille comme un collégien. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, à cette époque, s'habiller comme un homme ? C'est une façon de dire à l'homme, je suis ton égal, je m'habille comme toi, parce que je veux avoir les mêmes droits que toi, les mêmes libertés que toi, les mêmes possibilités que toi, agir dans le grand monde et ne pas être cantonnée au rôle de la femme qui était celui des femmes à cette époque-là. C'était avant tout pour elle qu'elle prenait un certain style de vie. Elle pensait qu'à ce moment-là, à cette époque-là, le célibat et la chasteté étaient un statut supérieur pour la femme et ça lui permettait de ne pas être sous la domination masculine. Oui, parce qu'au final, elle restera vierge. Qu'est-ce que ça a comme valeur, cette virginité, pour elle ? C'est une virginité militante, c'est une virginité politique, c'est une façon de dire « je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas être asservie, je ne veux pas être sous la domination d'un homme ». C'est absolument pas un acte de pudibonderie, de recherche de pureté ou en rapport avec une religion quelconque, pas du tout. Ce n'est pas non plus une haine des hommes, c'est simplement un constat, c'est de se dire « voilà, en l'état actuel des choses, le mariage est un asservissement, je ne veux pas être asservie, je refuse le mariage et je refuse l'acte sexuel comme étant le corollaire du mariage. » À son sujet, est-ce qu'on peut parler de célibat politique, de chasteté politique, d'abstinence politique ? Qu'est-ce que c'est le terme qui serait le plus adéquat pour définir sa démarche ? Elle emploie les trois termes, en fait. Le célibat, pour elle, c'est un état supérieur, ça va avec la chasteté. Elle emploie le terme de chasteté militante, mais elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « La femme vierge », qui est paru en 1933, et qui est un livre qui est hautement autobiographique. Donc le personnage principal s'appelle Marie, et elle parle de Marie en disant que Marie a remplacé l'amour et la sexualité par une vie intellectuelle intense. Elle était pour l'émancipation des femmes, mais elle n'aimait pas toutes les femmes. Elle disait qu'il y avait aussi un féminisme qui la hérissait. C'était ce qu'elle appelait les féministes en décolleté, c'est-à-dire des femmes qui usaient de leur pouvoir de séduction pour obtenir un certain nombre de choses, mais qui n'étaient pour elle que des demi-mondaines et limite demi-prostituées. Enfin, c'était des femmes qui n'avaient pas vraiment d'idéal radical. Elle dit « Je trouve, moi, que le féminisme en décolleté est le plus mauvais. Je ne comprends pas que ces dames ne voient pas la vile servitude qu'il y a à montrer ses seins. Je montrerai les miens quand les hommes adopteront un pantalon spécial découvrant leur... » Point de suspension. Et est-ce qu'au final, elle est restée vierge ou en tout cas célibataire jusqu'au bout ? Oui, elle est restée vierge toute sa vie. Elle est restée très seule aussi toute sa vie. Elle a eu quelques amitiés épistolaires avec, entre autres, Aria Lee et Hélène Brion. Et jamais, dans aucun de ces textes, n'est évoquée la possibilité d'avoir une sexualité, mais en dehors de l'hétérosexualité. Alors, elle dit à un moment donné, la phrase, elle dit « Le voyage à Lesbos ne me tente pas plus que le voyage à Cythère ». Dans les rapports de police, on dit que c'est une tribade notoire, mais c'est fondé sur rien, quoi. Enfin, il n'y a aucun... Alors, à cette époque, on est dans une France d'après-guerre. Quelle est la position officielle de la France par rapport à la natalité à ce moment-là ? Alors, au sortir de la Première Guerre mondiale, effectivement, il y a une politique pronataliste extrêmement musclée, avec ce qu'on a appelé les lois scélérates des années 20, où l'avortement était vraiment un crime. Et ce qui est assez extraordinaire concernant Madeleine Pelletier, c'est que elle faisait partie d'un mouvement néo-malthusien avec... elle prenait la limitation des naissances, elle prenait le droit à la contraception, elle prenait le droit à l'avortement, mais également elle pratiquait les avortements. Et ça, a priori, il n'y a pas d'autre exemple qu'elle, que ce soit femme médecin ou homme médecin, qui ait à la fois revendiqué haut et fort le droit à l'avortement pour les femmes et qui, en même temps, les ait pratiquées. Ce qui est d'ailleurs va lui être fatal, hein, puisque c'est à cause de cette position ouvertement affichée et le fait qu'elle ait pratiqué des avortements qu'elle va se retrouver accusée et internée dans un asile où elle finira ses jours en 1939. Certains jours, je me sens tellement seule que j'imagine une main qui caresse mon dos. Une main amie, aimante. Cette pensée m'obsède tant par période que je pourrais en devenir folle. Cette main est presque réelle, mais il n'y a personne au bout de cette main. Ma peau ne connaît plus de contact que celui de mes propres vêtements. J'ai pris quelques amants, ça m'a été facile, bien plus qu'on l'imagine, et puis j'ai arrêté. J'étais devenue comme allergique au toucher. Mais j'ai le souvenir de leurs mains sur mon corps, de toutes leurs mains. Celles de mes amantes et celles des autres, ceux qui me donnaient de l'argent pour ça. Je n'aurais jamais cru qu'un jour toute ma peau crierait ce besoin d'une main qui la touche, n'importe laquelle. Mais si un seul d'entre eux se met à me toucher, je risque de hurler, de cabrer et de mordre. Ma minuterie intérieure est sans arrêt possible, c'est celle d'une bombe bloquée sur le retardement. Wendy Delorme, autrice. Viendra le temps du feu, c'est un roman qui parle de sororité, d'amour, d'un paradis perdu. C'est l'histoire de cinq personnages, donc c'est un roman choral. Cinq personnages qui vivent dans un territoire aux frontières fermées, bordé par un fleuve. Et de l'autre côté de ce fleuve vivait une communauté qui s'était organisée pour vivre hors du système. Et cette communauté a été décimée. Dans cette dystopie, la chair est triste. Les seules évocations d'une sexualité, en des termes positifs en tout cas, ou joyeux, finalement, ce sont des passages qui renvoient à cette petite communauté qui a été décimée. Est-ce qu'il n'y a de sexualité heureuse que de sexualité en dehors du patriarcat ? En fait, pour répondre à ta question très directement, je dirais que avoir une sexualité en dehors du patriarcat, c'est très compliqué, parce que le patriarcat, c'est pas juste des pratiques et un système politique, institutionnel, c'est aussi une culture. Nos fantasmes, notre sexualité, nos désirs, ils sont pas détachés de la culture dans laquelle on vit, puisque nos premiers émois, nos premiers désirs, ils se forgent en référence à des images qui sont disponibles autour de nous quand on est plus jeune. Et on se construit avec ça. Donc après, même en sortant de l'hétérosexualité, en ayant une sexualité entre personnes assignées femmes à la naissance, une sexualité lesbienne, ce qui est mon cas, ben, j'échappe pas au patriarcat dans ma galerie de fantasmes parce que j'ai été pétrie de ça. Tu as un personnage qui est celui de Louise, qui a une activité partielle de travailleuse du sexe, qui travaille dans un club de striptease. À travers Louise, il y a aussi un certain nombre de normes auxquelles elle se soumet, mais qu'elle critique elle-même. Elle parle des stigmates de la grossesse sur le corps, puisqu'elle-même n'a pas enfanté. Elle dit « Un ventre plat, lisse, sans vergéture, mais nécessaire le soir pour mon lot de pourboire, car les clients du club n'aiment pas reluquer les femmes qui ont enfanté. » Toute femme devenue mère ne peut se montrer nue dans un espace public, ni sa nudité être publicisée par les voix de la presse, des écrans ou du réseau. Pour travailler au club, il me faut des fessiers exempts de cellulite, des jambes déliées, des triceps bien tendus et un ventre sans bourrelet. Mais ce personnage de Louise, qui est stripteaseuse, j'y suis très attachée. En fait, elle me permet de parler de la gentilité des femmes, des personnes qui ont décidé d'exercer un travail sexuel, de leur propre chef, parce que elle, ce travail de stripteaseuse et d'escorte, elle le vit pas mal. Ce qu'elle vit mal, par contre, c'est la discipline du corps. Elle constate que la discipline qu'elle impose à son corps pour correspondre aux critères de beauté qu'exige son métier de stripteaseuse, en fait, il s'applique avec plus ou moins de contraintes sur tout le monde. Et comme on est dans une société dystopique, ce qui est génial quand on écrit un roman et qu'on écrit de la dystopie, c'est qu'on peut rendre explicite des normes qui sont sous-jacentes dans une société qui serait moins dictatoriale. Et ça me permet de parler de cette espèce de double contrainte qui pèse aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire que il faut réussir son entretien d'embauche, il faut réussir son gratin, et puis il faut réussir à être une bonne baiseuse. Et c'est écrit nulle part, c'est pas écrit comme une loi, c'est écrit de manière diffuse dans tous les produits culturels qu'on consomme, le magazine féminin, la publicité, les séries, etc., etc. Donc moi, dans cette dystopie, je rends ça visible. Il y a des lois qui obligent certains âges, certains corps, certaines morphologies, certaines disciplines du corps, et ça permet de rendre explicites toutes ces normes qui sont tacites, en fait. Enfin, plus ou moins tacite. Mais imagine, là, tu dis que tu as peur de pas y arriver, de pas avoir d'érection, Imagine. De l'éjaculation précoce. Ou une éjaculation précoce. Et mets-toi à la place de la femme avec qui tu vas avoir un rapport sexuel. Dis-toi que pour obtenir ce rapport sexuel, il y aura eu des heures, voire des jours de préparation. Tu sais tout ce qu'il faut faire quand on est une femme pour t'apprêter à avoir un rendez-vous dit galant, tu vois, donc à te faire repasser, quoi, en gros, tu vois. La veille, déjà, tu commences par t'épiler. Tu t'épiles les jambes, les dessous de bras. Et si t'es courageuse, tu te fais les parties génitales, ce qui fait un mal de chien. Et t'en as même qui se font le SIF, donc le sillon interfessier. Donc déjà, tu te fais mal, tu vois, dans l'optique de peut-être obtenir un rapport sexuel le lendemain. Ensuite, tu vas avoir tout le tralala. Tu vas te faire un gommage, tu vas te mettre du vernis sur les ongles de pied, tu vas aller refaire tes racines, tu vas avoir toute une phase de préparation, mais qui commencera parfois plusieurs jours avant le rapport. Après, le jour même du rapport, bon, alors les mecs, ils vont se laver et c'est déjà pas mal, tu vois, mais ça va être infernal parce qu'il va y avoir toute une phase de préparation. On va devoir mettre une lingerie qui va coûter 200 euros, tu vois. Il va falloir qu'on se maquille, qu'on se coiffe. Il y a certaines filles pour qui se coiffer, ça prend des heures. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai les cheveux courts, mais t'as des filles qui vont mettre 2 heures à se coiffer. Donc, ça veut dire que tu prends presque un RTT pour te préparer à avoir un rapport sexuel. Ce temps-là, pour t'apprêter, il est infini et surtout, il est très onéreux parce que tout ça, ça coûte vraiment très cher. Entre ta lingerie, ton coiffeur, ta crème gommante, ton parfum, ton maquillage, il y a des filles qui se font du contouring. Le contouring, mais ça prend un temps infini. Ce mélange d'humiliation et de dépenses d'argent complètement inutiles. Je parle d'humiliation parce que je pense que toute femme qui s'est déjà retrouvée à quatre pattes ou avec les jambes levées pour se faire épiler le sillon interfessier, je pense, connaît ce sentiment vraiment de gêne. Tout ça pourquoi ? C'est qu'une fois que tu as posé ton RTT et que tu t'es préparé à avoir ton rapport sexuel et que le soir tu vas rejoindre la personne et que le mec au bout de 5 minutes il te dit « Oh ben je bande pas », c'est horrible. Parce qu'en plus, le moment, tout ça pourquoi ? Parce qu'il y aura quelqu'un comme toi, tu vois, qui aura dit « J'arrête la sexualité. » Désir de retour. Donc tout ce tralala au final, ou alors pire. Ou qui vient trop vite. C'est surtout ça le problème, tu vois, parce qu'à la rigueur, le type qui n'obtient pas son érection, t'as un peu pitié de lui. Bon, toi, t'es un peu frustré et puis t'as quand même gaspillé tout ce temps et cet argent pour te préparer. Donc, t'es un petit peu énervé quand même. Mais bon, tu lui pardonnes. Je crois que le pire, c'est celui qui te baise mal. C'est celui, tu vois, où ça dure 5-10 minutes, mais c'est même pas un problème de temps. C'est celui où, à la fin, t'as pas joui et t'as fait tout ça pour rien. Et lui, il est satisfait. Et t'as qu'une envie, c'est te lever, aller dans la douche et te finir toute seule. Et y a quelque chose d'assez insupportable. C'est pour ça que quand tu dis « je comprends quand t'as tes craintes », je comprends, mais dis-toi qu'en face, il y aura quelqu'un qui aura dépensé, qui aura cassé son PEL pour venir coucher avec toi et que toi, t'y arriveras peut-être pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez désespérant. Rebelle dans nos sociétés actuelles, c'est l'abstinent, et je pense que c'est vrai à tous les points de vue. Je pense que s'abstenir, ça va aussi à rebours du mouvement capitaliste global qui consiste à consommer tout le temps et être dans l'hédonisme et la jouissance de tout le temps. Donc oui, à rebours de plein de choses, oui. Emmanuelle Richard, autrice des Corps abstinents. Tu parles de l'abstinence comme d'un moment qui te permet aussi de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de l'hétéronormativité, des rapports de domination induits par la sexualité. Tu prends conscience de quoi ? Je pense pas que j'ai pris conscience. C'est plutôt parce que en fait, c'est les rapports de domination, etc. Ils sont là tout le temps dans la sexualité, donc c'est pas une prise de conscience. C'est plutôt un ras-le-bol. C'est plutôt ça. À un moment, je me suis sentie passer un état de seuil et qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus supporter. Par exemple, un exemple très bête, mais dans les trucs que je supporte plus, c'est... Alors, on sait bien tous que la symétrie entre les deux genres, elle est très grande dans tous les domaines, mais la charge sexuelle et la charge esthétique et la charge de la contraception et toutes ces charges cumulées sur une seule personne, c'est un truc que je trouve assez pénible, et quand les mecs s'intéressent pas du tout à la contraception, ou quand c'est toi la femme qui en plus doit aller chercher les capotes par exemple, aller les acheter, prendre en charge tout ça tout le temps, c'est quelque chose qui me rebute maintenant. Ou par rapport à la symétrie de le fait d'être désirable, le fait qu'il y ait pas un minimum d'hygiène, par exemple, ce truc sur les ongles de pied, les mecs qui se coupent pas les ongles de pied, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Et vraiment, toutes les femmes qui ont lu ce livre m'en ont parlé, ça revient tout le temps, quoi. Et c'est juste, c'est stop, quoi, il faut faire un effort minimum. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage sur les ongles de pied, et puis je me suis senti, moi, très visée, c'est vrai, maintenant je ferai attention. C'est un bon résumé. Tu deviens même misandre à un moment, hein. Tu dis que tu frôles la misandrie. Alors ça, c'est vraiment une question qui m'obsède. Comment on fait, dans le cadre social qu'on connaît, comment on fait, par cumul, pour contourner le fait de devenir misandre ? Vraiment, c'est une énorme interrogation. Alors quand je prends du recul et que j'analyse, je sais bien que les hommes sont pas... Enfin, il n'y a pas d'essentialisme, je sais bien que c'est un gros problème d'éducation sociétale par les pères collectifs, etc. Donc ça, je le sais, j'ai pas envie d'exterminer les hommes. Digli, autrice, illustratrice. Je me souviens un jour, c'était après une présentation en librairie, on avait présenté toutes les deux, je crois qu'on signait libre. On avait discuté avec les deux libraires qui organisaient l'événement, et à un moment, tu leur as dit « mais moi, de toute façon, depuis que j'ai bossé avec Ovidie, je baisse plus ». Tu m'avais fait hurler de rire. Ah, j'avais oublié. Oui, t'as dit ça. Et tu faisais un lien direct entre ton militantisme féministe et le fait que plus tu militais, moins t'avais envie de baiser, finalement. Et puis après, quand on a retravaillé ensemble sur la BD suivante, tu le racontes toi-même, donc je trahis pas le secret, mais tu dis que t'as eu besoin de faire une pause. Alors dans la BD, tu dis une pause d'un an, je crois bien. Mais voilà, tu dis que après MeToo, t'as eu besoin de faire une pause. Pourquoi t'as eu besoin de faire une pause comme ça ? Ah, mais je pense que je fais le lien, comme tu le dis, avec le féminisme, plus encore qu'avec MeToo. En fait, il y a eu un moment où ce petit mensonge un peu que je me racontais en me disant « oui, mais l'intime, je fais ce que je veux, après tout, je peux avoir telle sexualité et par ailleurs militer », n'a plus marché. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, j'étais dans une sexualité qui m'a semblé problématique. Jusque-là, je me disais « non, non, c'est mes choix ». J'étais dans une sexualité qui était assez humiliante. J'étais dans une position de soumission, mais je me racontais que je le choisissais. Donc, ouais, mais je suis soumise, mais je le veux, c'est un jeu, je fais semblant. Et petit à petit, c'est comme si tout ça, ça devenait un truc imblairable. Je sais pas, ça me... D'abord, c'était du concept, et puis d'un coup, c'est plus devenu du concept, c'est devenu dans ma chair, quoi. Je sais pas, il y a des choses, des gestes que je voulais plus. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Comment je fais? J'ai l'impression de désirer l'oppresseur. En tant que féministe hétéro, qui désire, a priori, coucher avec des hommes, ou en tout cas tisser des liens, avoir des relations avec des hommes, il y a eu un truc, d'un coup, qui faisait peur ou qui perdait du sens. C'était déstabilisant. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que, par exemple, on arrête un moment, pour toujours, de façon temporaire? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait? Déjà, je pense que, moi, ce que je me suis vraiment demandé, et je continue de me le demander, c'est pourquoi je faisais l'amour? Pourquoi j'avais des rapports sexuels? Donc, est-ce que c'était parce que j'avais très envie? Et parfois, c'était oui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de moi, une partie du temps, où je faisais l'amour pour me valider. C'est-à-dire que le fait d'être désiré par mon mec me validait. Et un jour, j'en parle à une copine et je lui dis, elle me dit oui, mais on baisse pas en ce moment, on n'a pas de rapport, ça me saoule, il doit y avoir un problème. Et je lui dis, mais toi, t'as envie? Et elle me dit, non, pas tellement, mais que lui, il n'ait pas envie, ça me gêne. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai envie de lâcher. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression que je faisais beaucoup l'amour aussi pour une espèce de vision de moi-même que j'aurais de l'extérieur et de me dire, bah tant que je suis excitante, désirable ou j'en sais rien, j'existe. Et une fois que j'ai voulu enlever ça, il me restait pas tant de désir que ça, finalement. Alors, tu vois, cette histoire de validation à travers le regard masculin, je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment très intéressant. La lingerie aussi. Mais grave. Moi, j'ai eu un rejet de la lingerie. Moi, j'étais, mais à 20 ans, mais j'étais lobotomisée du string. J'avais des porte-jartelles, des machins, mais de partout, tout le temps. Et là, j'ai un écœurement, mais viscéral de ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est conne? Mais qu'est-ce qu'on est conne? Non, mais moi, et je te dis ça, j'ai été sur des talons de 12 à 25 ans, à n'en plus finir, à porter des trucs et à adorer ça, à me sentir puissante. Et je me dis, mais où est le ver dans le fruit? Comment on a pu... Mais là, c'est un autre débat. Mais comment on a pu se dire que la libération, c'était d'être sur des chaussures immarchables et d'avoir le cul strié, quoi? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je comprends pas. Je le comprends pas de moi. Je comprends pas qui j'étais en faisant ça. Et en fait, si, je le comprends, mais je me rendais l'objet le plus désirable possible. Tout reposait sur ça, en fait. Mon érotisme, finalement, reposait sur une forme de soumission. Et je parle pas d'une soumission sexuelle, mais d'une soumission dans le fait de se rendre objet. De se dire, je jouis du désir que je provoque. Et ça, aujourd'hui, ça me pose souci, moi. Parce que je trouve pas que ce soit émancipateur, pour moi, en tout cas. Mais du coup, il me reste pas grand-chose. Et t'as aussi arrêté de te maquiller. Je sais pas où t'en es, là, en ce moment, par rapport à ça, mais je me souviens qu'il y a une période où t'as dit, j'arrête de me maquiller. Ah, mais moi, j'ai arrêté épilation, maquillage, lingerie, talons, le package total de ce qu'on m'avait bien appris à faire en tant que fille. D'un coup m'a dégoûtée. Et là, encore une fois, c'était très personnel. Hein. C'est-à-dire que je suis pas en train de faire du prosélytisme pour rien. Mais moi, je me suis dit, putain, mais mon mec, il peut se lever le matin et aller bosser. Il a rien à faire. Il se lève, il se lave les dents, il s'habille et il part. Et moi, il fallait que j'aie mon fond de teint, mon mascara. Et ça devenait ridicule. Je me disais, mais on me dit, c'est ton choix, c'est ton choix. Mais si j'étais un mec, j'aurais pas fait ce choix-là. Donc, c'est que c'était pas un choix personnel. L'épilation, c'était pareil. Mon mec, il peut prendre le métro en short sans rien faire. Et moi, si je mets un short dans le métro, il faut que j'ai pensé à m'épiler mes jambes avant. Et c'est tout ça, c'est tous ces gestes que d'un coup, je me suis sentie obligée de faire parce que j'étais femme, qui m'ont saoulée. J'ai dit non, ça, je j'ai pas envie. Et en fait, ben voilà, il a fallu faire ce chemin. On en a. De toute façon, c'était mon choix. Mais c'est facile de dire, je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Quand on est dans un couple et quand on est jeune et on a peur que l'autre nous regarde en disant, oh mon Dieu, parce que mon mec au début m'a dit, oui, oui, bien sûr, laisse-toi pousser l'épaule. Et je me disais, mais le pauvre, il a pas idée, en fait. Il se dit, elle va avoir trois machins. Mais je me suis dit, mais qui a vu mes jambes depuis 2003? Je pense que je les rasais ou je les épilais. Personne n'avait vu mes mollets à part trois copines avec qui on faisait des concours de poils en hiver. Mais, des corps de femmes pas épilées, au-delà de la chatte, on n'en voit pas. Donc je me disais, t'es sûre que t'es sûre que t'es prêt? It's the most ferocious eye look ever. So feline. New feline mascara by L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Bien, bien. Je le vaux bien. Je le vaux bien. Les femmes sont toujours trop à ce qu'elles sont, rivées à leur sexe, à ce qu'on en dit, incapables de réinventer leur histoire ou de penser la vie en dehors des sondages de magazines de mode, inépuisablement aliénées à ce qu'elles croient devoir être. Des poupées qui jouissent lorsqu'on veut qu'elles jouissent. Des poupées qui ont telle taille, telle coiffure, qui ne veulent rien et qui en veulent toujours plus. Qui se masturbent à tout propos et qui n'en ont jamais assez. Qui se masturbent à tout propos et qui n'en ont jamais assez. Qui s'occupent tout entière à exciter les hommes, sans autre but dans la vie que se regarder dans la glace et se comparer aux autres. Oui, une femme, c'est avant tout un sexe susceptible de faire bander. Car un sexe n'est jamais bandant en soi. Ça prend du travail. Le travail d'une vie entière jusqu'à la mort. Car même vieille et repoussante, les femmes se rappellent le temps où elles ne l'étaient pas. Où elles pouvaient vivre à la folie leur vie de larvée sur leur nombril. Leur existence de se farder en remuant les fesses. You're worth it. Et le travail se continue dans le souvenir qu'on est force de farder à son tour. Et puis la jeunesse demande tellement de temps. Toute une vie à s'hydrater la peau et à se maquiller. À se faire grossir les seins et les lèvres. Et encore les seins parce qu'ils n'étaient pas encore assez gros. À surveiller son tour de taille et atteindre ses cheveux blancs en blond. À se faire brûler le visage pour effacer les rides, se brûler les jambes pour que disparaissent les varices. Enfin, se brûler tout entière pour que ne se voient plus les marques de la vie. Enfin, se brûler tout entière pour que ne se voient plus les marques de la vie. Nelly Arcan, putain. Nelly Arcan, putain. Mais par contre, pour la sexualité, voilà, il y a vraiment un truc, moi, qui m'a quittée, hein, complètement. Ça veut dire quoi, un truc qui t'a quittée ? Je pense qu'il y a une partie du désir qui m'a quittée. Alors, ça a probablement un lien avec le féminisme, avec le fait d'être baignée d'informations constamment, etc. Mais déjà, c'est difficile de retrouver un peu la légèreté du désir. Et je trouve difficile de désirer les hommes. Et je veux pas rentrer dans un truc hyper choquant en disant ça, mais il y a quelque chose où ce pourquoi je désirais les hommes avant me paraît problématique aujourd'hui. Je désirais les hommes. Pourquoi je désirais un homme plutôt qu'une femme ? Il y avait un côté, une idée d'une virilité, une idée de domination, une idée de corps puissant, de phallus. Enfin, il y avait tous ces archétypes. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait envie. Et du coup, qu'est-ce qui me reste ? Vers quoi je vais ? C'est un chantier en construction constante. Et on en discute énormément avec mon compagnon. Et on a eu besoin, de sortir de la pénétration. Et ça, pendant quasiment un an, je pense. Vraiment que ça soit très, très, très ponctuel, que tout ne repose pas là-dessus. Et ensuite, il a pu se passer plusieurs mois sans qu'on ait envie de quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y a pas eu une pause forcément définie. C'était surtout quitter la pénétration pendant un moment. Et ça, ouais, il y a eu vraiment, je pense, à peu près un an de « non, j'ai pas envie, il faut qu'on trouve autre chose, mais ça, je veux pas ». Il y a quand même une constante hein, que j'observe depuis 2-3 ans, en tout cas dans mon entourage, parmi certaines amies ou camarades qui ont aussi milité pour un féminisme dit pro-sexe, c'est qu'on est un certain nombre à en être revenu. Et on est un certain nombre aussi à un moment avoir eu besoin de soit d'arrêter l'hétérosexualité, soit d'arrêter la pénétration, soit s'extraire de ce truc-là. Mmh. Comment est-ce que tu l'interprètes, ça ? Pourquoi est-ce qu'on en a marre comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même curieux. On n'est pas, à la base, on n'est pas des féministes abolitionnistes. Non. On n'est pas prudes. Au contraire, on est plutôt allé loin, même pour certaines, dans notre sexualité. Qu'est-ce qui fait que ce sont des femmes comme nous qui remettons la sexualité en question ? Moi, je connais des femmes qui sont 50 000 fois plus prudes que nous, qui baissent à tire-larigot. Et nous, on est là, on baisse plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Mais j'ai l'impression que ça se passe pas très bien, en fait. La sexualité hétérosexuelle, elle se passe pas très bien, dans la plupart des cas. Tout repose beaucoup sur l'éjaculation, tout repose beaucoup sur le fait de bander. Et je parle pas que du comportement des mecs, d'ailleurs, je parle d'une autre. Et c'est pas évident de construire autre chose. Donc je sais pas du tout où je vais avec ça, parce que je me souhaite pas de quitter la sexualité. En tout cas, c'est pas que je me le souhaite pas, mais j'ai pas décidé de quitter la sexualité. Mais je suis pas certaine qu'il faille se forcer à revenir à tout prix à la sexualité. Moi, je suis assez bien aussi de me dire un couple peut être super solide sans sexualité. Ou avec une sexualité hyper ponctuelle. Sex, sex, Il y a quand même une chose incroyable, c'est qu'on en arrive à cette contradiction où, pour s'émanciper d'un point de vue sexuel, on en est amené à se poser la question d'abandonner toute une partie de notre sexualité. Je ne crois pas que ce soit abandonner toute sexualité, c'est plutôt abandonner toute sexualité hétéronormative. C'est ça qui nous emprisonne, mais homme comme femme, d'ailleurs. Je pense que l'hétéronormativité, ça n'est valorisant pour personne. Mais toi, en tant qu'homme, quand t'entends tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que t'en penses, finalement, de toutes ces paroles de femmes? Alors, justement, moi, ça me fait me poser plein de questions. Et notamment, je me pose la question de savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle un rapport sexuel. Pour moi, être abstinent, c'est arrêter l'éjaculation. C'est-à-dire que j'ai presque une définition de moine. Et toi, t'as pas exactement la même. C'est quoi, toi? Ben, ce qui serait déjà un bon point de départ, c'est avoir la même définition de ce qu'est la sexualité. Et à mon avis, c'est là que le bât blesse. Je suis pas sûre que hommes et femmes hétérosexuels aient la même conception de ce qu'est un rapport sexuel. Parce que vous, cette définition du rapport sexuel, elle passe quand même beaucoup par l'érection, ça c'est une chose, on l'a déjà beaucoup dit, mais ça passe aussi par l'éjaculation. C'est un peu limité comme conception de la chose. T'as déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'orgasme gap, c'est-à-dire la dissymétrie dans l'accès à l'orgasme entre les hommes et les femmes. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fin de compte, quand tu commences à interroger les femmes, tu te rends compte que la majorité d'entre elles n'ont pas joui lors de leur dernier rapport sexuel. Donc ça veut bien dire que pour une femme, par exemple, la question de l'accès à l'orgasme ne peut pas définir ce qu'est la sexualité. Martin Page, auteur d'Au-delà de la pénétration. Comment toi, déjà, est-ce que tu définirais l'absence de sexualité et comment expliquer qu'il y ait une telle différence d'appréhension entre Tancred et moi sur ce sujet? Alors c'est compliqué, je pense qu'il y a la sexualité vue par la société et donc effectivement là elle serait c'est la définition proche de celle de Tancred et qui serait effectivement l'absence de rapport pénétratif avec éjaculation, c'est la définition classique. Et qui satisfait plutôt, on va dire, en général, les mecs. Moi, il me semble qu'on peut prendre un peu de liberté vis-à-vis de cette définition classique, dire que la sexualité, en fait, c'est ce qu'on désire être la sexualité. Mais faire l'amour sans pénétration, est-ce que c'est faire l'amour? Ben, c'est faire l'amour si on décide que c'est faire l'amour. Je suis pour qu'on élargisse, en fait, le champ de la sexualité, de ce qui est la sexualité. Et qu'on se contente pas simplement d'annoncer et de répéter ce que la société nous enseigne, en fait. Pour une raison très simple, c'est que beaucoup de gens sont malheureux dans leur sexualité. Pourquoi c'est la pénétration qui occupe, en quelque sorte, le cœur de la définition de l'acte sexuel ou qu'on se représente comme étant ce cœur-là? Évidemment, ce à quoi je pense, c'est que la pénétration conduit à l'éventualité d'une fécondation. Donc on peut très bien comprendre pourquoi la société a tendance à favoriser les rapports pénétratifs. J'y vois un autre avantage social, c'est que la sexualité centrée sur la pénétration est quand même la sexualité qui a le plus de chances de ne pas satisfaire les femmes. C'est une manière aussi d'asseoir la domination masculine et de dire que c'est naturel finalement. C'est assez insensé quand même. Je veux dire, s'il y a 80% des mecs qui avaient pas de plaisir grâce au rapport pénétratif, c'est évident que ça ne serait pas la norme. C'est parce que ce sont les femmes qui subissent en fait des rapports pénétratifs comme norme, que c'est généralisé et qu'on trouve que c'est absolument normal, à tel point que moi j'ai plein de témoignages, surtout depuis la sortie de mon livre, plein de témoignages de femmes qui me disent que en fait elles se forçaient en fait et elles pensaient qu'elles étaient anormales, elles pensaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez elles parce qu'elles n'avaient pas d'orgasme par simple pénétration, alors que en fait non, c'est tout ça est normal. La plupart des femmes n'ont pas d'orgasme par simple pénétration et pourtant c'est la norme. Donc ça dit quelque chose, je pense, de l'oppression des femmes par les hommes. Et là, c'est aux mecs de se bouger, et particulièrement aux mecs, je pense, de gauche, qui s'imaginent de gauche. On a tout ça dans notre entourage, des mecs qui sont super à gauche, super progressistes, révolutionnaires, mais qui, dans leur rapport de couple, en fait, se posent un millième des questions qui se posent par rapport au capitalisme, par rapport à l'économie et tout ça. Mais par contre, la sexualité, c'est comme si c'était un domaine à part, un genre de truc qui serait pas touché par les rapports de domination, qui sont super problématiques. Quel a été le point de départ pour toi? Quel a été le déclic pour toi? Comment est-ce que tu as fait pour désapprendre? Ben, c'est évidemment pas tout seul, c'est grâce à des femmes, c'est grâce à ma compagne, c'est grâce à des amis. Donc j'ai un certain goût et une passion pour la remise en cause de la norme sociale sur d'autres sujets. Mais c'est si évident, la sexualité, c'est tellement partout et c'est tellement peu interrogé que voilà, à un moment, j'y suis allé parce que les femmes m'ont parlé, parce que j'ai su apprendre à me taire, pour le plaisir aussi de foutre un peu le bordel, en fait, de casser l'ambiance, qu'il n'y a rien qui mérite plus que ces gens qui sont censés être du bon côté. T'as plein de mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. C'est peut-être un peu caricatural ce que je pense, mais c'est un problème en fait. Je veux dire, c'est pas possible. Ah mais merci. Non mais. Ah je, non, me, mais sens pareil, visé, en fait. Je me sens visé. Je me sens visé. Non mais je suis pareil. Je veux pas du tout penser que je suis supérieur aux autres mecs. Je suis pareil en fait. Tu vois, j'ai fait les mêmes erreurs. J'étais content de moi. Enfin, j'étais dans un truc un peu d'exploit, de durée, de machin et tout ça. Je suis un mec, je suis pareil. Alors ensuite, voilà, les aléas de la vie font que j'ai pensé la question, j'ai écrit un livre sur le sujet, mais je suis un mec nul de base, quoi. J'ai fait toutes les erreurs possibles, croyant bien faire, croyant que c'est ce que les meufs attendaient, mais il faut que ça change, là. Il faut vraiment que ça change. Là, ça va. Je descends encore un petit peu. Les discours qui nous oppriment tout particulièrement, nous, lesbiennes, féministes et hommes homosexuels, et qui prennent pour acquis ce qui fonde la société, toute société, c'est l'hétérosexualité. Ces discours nous nient toute possibilité de créer nos propres catégories. Ils nous empêchent de parler, sinon dans leurs termes. Ces images, films, photos de magazines, affiches publicitaires sur les murs des villes, constituent un discours. Et ce discours a un sens. Il signifie que les femmes sont dominées. Monique Wittig, La pensée straight. Il y a encore une place assise tout devant et sinon, n'hésitez pas à monter, c'est sonorisé en haut, on entend très bien. Juliette Drouard, art thérapeute et activiste. En septembre 2019, j'ai fondé le festival Sortir de l'hétérosexualité, qui était en fait la deuxième édition d'un festival qui s'appelle Des sexes et des femmes, et on l'a co-organisé avec Imen, Tamar, Marie, Lila et Juliette. Et ça veut dire quoi alors, sortir de l'hétérosexualité ? Sortir de l'hétérosexualité, déjà ça veut dire que l'hétérosexualité, c'est un régime politique, et pas seulement, on va dire, une orientation sexuelle individuelle. Alors c'est un régime politique, c'est quoi le régime hétérosexuel ? Je pense que dans l'hétérosexualité, c'est-à-dire, on va dire principalement, mais pas que, la vie, on va dire, en couple et en famille, il y a un rapport d'exploitation, c'est-à-dire que les hommes cis-hétérosexuels vont récolter un certain nombre de bénéfices et de produits, à savoir l'ensemble des services sexuels, émotionnels, intellectuels, qui vont être effectués gratuitement par les femmes, donc tout ce travail un peu de care, où on connaît les mots de charge mentale, tout le prendre soin, qui ne va pas avoir de contrepartie ni financière, ni de réciprocité gratuite. Donc c'est tout un temps et une énergie qui est pris aux femmes en dehors des temps qui pourraient être consacrés, disons, à elles-mêmes, et dans un rapport qui est absolument non réciproque. Est-ce que sortir de l'hétérosexualité, ça veut dire nécessairement arrêter d'avoir des rapports sexuels avec des hommes cis ? Non, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec avoir un rapport sexuel. C'est même toute autre chose. C'est plutôt quel type, on va dire, de relationnel et quel type de rapport sexuel. Quand je dis quel type de rapport sexuel, c'est parce que dans l'hétérosexualité en tant que régime, on va érotiser aussi les violences de genre. Donc on va apprendre petit à petit aux personnes sexisées et aux femmes que ce qu'elles désirent, enfin, ce qu'elles sont censées désirer, en tout cas, c'est la domination, c'est la contrainte, c'est la brutalité, etc., etc. Donc on peut s'extraire de l'hétérosexualité tout en ayant éventuellement des rapports avec des hommes cis qui ne soient pas hétéronormatifs, si j'ai bien compris. Pendant le festival, il y avait pas mal de femmes hétérosexuelles qui étaient présentes et qui étaient vraiment très intéressées par ce sujet-là. Comment tu l'expliques, ça ? Ben, je pense que aujourd'hui, peut-être que déjà, enfin, grâce aussi au combat antisexiste mené par de nombreuses personnes et surtout par les dites minorités sexuelles, on commence à comprendre qu'on va pas pouvoir faire l'impasse sur réfléchir à l'hétérosexualité. Donc je pense qu'il y a cette question-là, et puis peut-être aussi parce que il y a certaines conditions matérielles pour certaines femmes qui ont changé, qui leur permettent aussi de renégocier l'hétérosexualité à moindre coût. C'est-à-dire que pour certaines femmes, il y a la possibilité d'avoir un travail, une indépendance matérielle aussi, qui permet d'envisager de renégocier leur contrat. Est-ce que finalement la question d'hétérosexualité, c'est pas aussi, je dirais pas un impensé, parce que c'est pas complètement un impensé, mais est-ce que c'est pas un sujet qu'on évite dans le militantisme féministe? Est-ce que c'est pas un sujet que parfois on se sent obligé de contourner parce que c'est finalement le point nodal qui fait mal, quoi? Ben oui, je pense, et je préfère parler d'antisexisme aujourd'hui que de féminisme, parce que le féminisme est beaucoup accolé à la défense des droits des femmes. Bon, et puis souvent de certaines femmes, mais passons là-dessus, disons de droits des femmes, alors que il y a beaucoup de personnes qui subissent le sexisme, dont effectivement les personnes lesbiennes, trans, bi, queer et intersexes, qui ne respectent pas justement les normes de ce qui devrait être un vrai homme ou une vraie femme. Du coup, l'antisexisme, ces combats qui peuvent être les combats des différents groupes visés par le sexisme, s'attaquent à ses racines. Et ces racines sont effectivement l'hétérosexualité et les différenciations hommes-femmes. Et ce que tu posais, qui est juste, c'est que très souvent, dans les combats des personnes femmes, l'hétérosexualité n'est pas nommée. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi? Parce que déjà, pour essayer d'arracher un certain nombre de droits qui sont en possession du pouvoir des hommes cis-hétérosexuels, il faut un peu la mettre en veilleuse sur certaines choses, et donc peut-être pas toucher à l'hétérosexualité. Donc c'est pas un problème en soi si c'était conscientisé. Mais le problème, c'est que ça l'est toujours trop peu aujourd'hui. Et donc ça reste une forme de tabou pour les personnes femmes dans les combats antisexistes. Alors évidemment, pas pour toutes. Mais souvent, c'est passé sous silence. On peut encore lire tout un tas de livres de personnes qui font des thèses sur le féminisme, qui s'attachent pourtant exactement aux problématiques des relations hétérosexuelles, c'est-à-dire la charge mentale, les travaux de care non payés. Et à aucun endroit de ces livres n'est formulée que la question est l'hétérosexualité. Est-ce que le fait de ne pas être hétérosexuel toi-même te permet réellement de t'extraire de l'hétérosexualité en tant que système et en tant que culture? Alors quand j'avais 21 ans, j'étais en couple avec un jeune homme, donc j'étais hétérosexuelle, et puis je tombais amoureuse d'une fille de mon âge. Wendy Delorme, autrice. Ça a été un grand bouleversement parce que c'était pas juste une rencontre amoureuse, c'est comme si j'avais chaussé des nouvelles lunettes pour voir le monde. Il y a un événement qui a été vraiment révélateur, c'est que cette jeune femme, qui était lesbienne, qui avait un look assez androgyne, qui s'assumait comme lesbienne, un jour on était ensemble dans Paris et on était amoureuses, quoi. On avait 20 ans, on était amoureuses et elle me dit « Non, je veux pas te tenir la main dans le bus, j'ai pas envie qu'on nous emmerde. » Moi qui débarquais dans le lesbianisme, j'étais scotchée et je me suis rendu compte en fait qu'elle vivait avec la peur. Donc ça, c'est déjà la première chose qui a fait que j'ai chaussé des lunettes différentes pour voir le monde tel qu'il était finalement. Tel qu'on le voit pas quand on n'appartient pas à une minorité, en fait. Donc voilà, à ce moment-là, être lesbienne, pour moi, est un choix politique. C'est une véritable décision politique et c'est le moment où j'entre dans une librairie du Marais, dans le quartier du Marais à Paris, où je demande... je vais voir le libraire et je lui dis, en fait, je voudrais des livres qui parlent des lesbiennes. Parce que j'y connaissais rien. Et du coup, le libraire me donne différents bouquins, dont « La pensée straight » de Monique Wittig. En gros, elle dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles sortent de la définition qu'on donne à la femme en tant que sujet social, parce qu'elle ne dépend pas d'un homme. » Et là, grosse claque, parce que Monique Wittig opère une sorte de... Lire Monique Wittig, ça fait qu'on renverse sa perspective sur le monde. Parce qu'en fait, quand on parle d'hétérosexualité et de patriarcat, on parle de choses qui sont systémiques et qui vont s'incarner différemment dans chaque individu et dans chaque relation. Mais il y a des enjeux qui vont traverser les relations. Moi, je ne suis pas pour caricaturer, je ne suis pas pour dire que l'hétérosexualité, c'est vivre avec son oppresseur. Et puis, les relations lesbiennes ne sont pas exemptes de rapports de pouvoir, ni de violence psychologique, ni de violence physique, ni de violence sexuelle. Donc voilà, être lesbienne, ce n'est pas non plus une solution politique au problème global du patriarcat, du racisme, du classisme, etc. Mais si on parle de système politique, sortir de l'hétérosexualité, c'est aussi penser que le lesbianisme a une dimension politique et qu'on ne parle pas que d'une orientation sexuelle. Est-ce que, bon, tu es très belle, ça fait 15 ans que je te trouve très belle, et est-ce que le fait de ne pas être hétérosexuel fait que tu arrives à ne pas te soumettre aux normes esthétiques dictées par le patriarcat ? Le fait de ne pas être hétérosexuel, c'est une chose. Le fait d'être une lesbienne politique aussi. Mais je vis quand même dans une société qui a un regard méprisant sur les femmes qui prennent de l'âge, sur les femmes qui prennent du poids. Et du coup, je ne peux pas faire abstraction de ça. J'aimerais. Mais le changement des regards sur un corps qui vieillit, ça provoque quand même quelque chose. Donc en prenant de l'âge, et aussi parce que mon corps s'est transformé au fil des années. Et des grossesses. Et des, oui, effectivement, après une grossesse, le corps est... Mais moi, c'était un choix, tu vois. Après que j'ai accouché de ma fille il y a 9 ans, je me suis dit, je vais pas me mettre au régime et je vais pas me remettre au sport tout de suite. J'ai envie de me laisser tranquille. Et je te jure que même parmi mes copines féministes, il y a eu des petits commentaires « Ah, mais tu devrais te remettre au sport pour ta santé !» J'avais pris presque 20 kilos. Et je me suis dit « Ben non, en fait, là, c'est pas ma priorité. Là, j'ai un boulot à plein temps et un bébé. Donc, rentrer dans la taille 38-40, là, c'est pas ma priorité dans la vie. C'est pas, je suis pas payée pour ça, en fait. Il y a personne qui me paye pour ça. Il y a personne qui me paye pour m'épiler. Il y a personne qui me paye pour que je perde du poids. Il y a personne qui me paye pour que je fasse des abdos. C'est pas mon job. » Mais j'ai pas pu faire abstraction de ça, en fait. J'arrive de plus en plus à m'en libérer. Aujourd'hui, je me sens presque soulagée de plus avoir le regard des hommes sur moi dans la rue. Mais il y a eu tout un temps où j'en étais encore dépendante alors que je couchais pas avec des mecs. Bon, et maintenant, Tancrède, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête définitivement ? On reprend ? Moi, j'avoue qu'arrêter, ça m'a fait du bien, personnellement, mais c'est pas vraiment un projet de société. On va pas dire à tout le monde d'arrêter définitivement de baiser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Ben, moi, le fait d'arrêter, en tout cas, ça m'a montré qu'il faut effectivement qu'on sorte de système patriarcal, hétéronormatif, dont on sera tous, un jour ou l'autre, victimes, qu'on le veuille ou non. Et que en sortir, c'est aussi une manière de le détruire et de revenir plus tard à de nouvelles formes de rencontres, plus riches, plus épanouissantes, plus complètes et plus libres, je crois. Sortir de la sexualité, un acte politique. Avec Florence Citoleu, Wendy Delorme, Emmanuel Richard, Digli, Martin Page et Juliette Drouard. Prise de son, Stéphane Beaufils, Bruno Mourlan. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Carvran. Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet. Réalisée par Séverine Cassard. Abstinente, asexuelle, sortie du marché de la séduction, puceau, solitaire ou chaste, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant de tout changer, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs et pour nous suivre Twitter et même Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, on rediffusera un peu d'amour. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.